Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, le journal actuel de la route au grand reportage, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Pascal Rayet. Au départ de ce documentaire, il y a un journal qui a eu deux vies et qui prenait le voyage avant d'envoyer ses reporters très loin ou tout près à la recherche du réel. Un magazine fondé par un personnage qui était le dépaysement incarné. Alors pour commencer, les personnages. Un photographe de la contre-culture, un journaliste explorateur, un autre voyageur, un dessinateur, un reporter sur la route, un autre juste à côté et une journaliste qui en rit encore. Ensuite, le décor. Un film, la drogue, des expériences mystiques, le réel caché, des ashrams, des charters, l'Amérique, le flair, un hôtel particulier, l'amitié et des souvenirs. C'est parti, on écoute une archive. La chasse au hippie est ouverte toute l'année partout. Pourquoi ? Parce que les peuples de l'Orient et de l'Asie ignorent que les hippies se sont détachés de notre société. Ça, ils l'ignorent. Ils croient savoir que c'est notre société qui les a éliminés, qui les a rejetés. Donc, si vous voulez, ce rejet, pour eux, les hippies sont les intouchables de l'Europe. Ce sont les parias de l'Europe. Ils ignorent que les hippies sont des gens qui sont partis, mais que la société n'a pas rejeté. Alors la chasse aux hippies est ouverte toute l'année, et on leur en fait voir de toutes les couleurs, croyez-moi. Ils sont volés, ils sont tabassés à chaque instant. Bolivar, la traversée de l'Amérique du Sud à deux, à cheval, durée indéterminée. Si tu détestes la civilisation et aimes la nature, écrit à Joël Bro, 12 rue Édouard Herriot, 79 200, Parthenay. Et alors, finalement, c'est la route du retour, un jour ou l'autre. Alors, certains vont très loin, certains vont assez lent. Ceylan, c'est vraiment une île pour vous réconcilier avec la nature humaine. Là, c'est le repos de l'âme. Probablement que le bouddhisme y est pour quelque chose, voyez-vous. Et il trouve là vraiment un grand calme. Cherche une fille, 18-25 ans, passionnée comme moi par voyage, et voudrait faire le tour du monde, départ fin novembre. Répondrai à toutes lettres. Yann Mendy, 15, allez, le père Vange, comme ça. Puis ensuite, ils repartent, soit vers le Népal. Alors le Népal, je n'en parlerai pas, on a tout dit du Népal. Et de Katmandou. Les bêtises. Surtout des bêtises, énormément de bêtises. Katmandou, c'est l'enfer. Les filles françaises hippies se prostituent dans les rues, se traînent dans leurs ruisseaux, l'ambassade est débordée, rapatrie des avions entiers d'épaves, ce ne sont que des suicides, des crimes, etc. Alors je voudrais remettre les choses au point, n'est-ce pas ? J'ai contrôlé auprès des ambassades de l'Inde et l'ambassade de France à Katmandou les chiffres exacts, n'est-ce pas ? En deux ans, je parle des deux dernières années, qui ont été les plus agités. En deux ans, il y a eu de Katmandou deux rapatriements administratifs. Deux garçons qui ont été rapatriés pour troubles mentaux. De la route au grand reportage, le deuxième actuel, où Joseph Kessel chez les Branchés. Actuel, mai 74, sur l'autoroute des Frics. Péage à Goa, Kaboul, Calcutta, Bali, Penang, Niamey, Éthiopie, Australie. Plein de tuyaux. Katmandou, Goa, Bénarès, Kaboul, Ibiza, Bali, Istanbul, c'est le béaba des routards des années 70. Et c'est aussi la géographie qui s'affiche sur les couvertures d'Actuel chaque été au moment des grands départs. Actuel est l'autoroute des Frics, Actuel est les routes de l'Asie, Actuel est la fuite éperdue, Actuel est les bons plans charters, Actuel et les bonnes adresses de Katmandou, Actuel et les bons plans dope. Le journal, page après page, prône le grand départ, le voyage, la curiosité et la liberté. Mais ne fera vraiment la route qu'une seule fois, à l'occasion du tournage expérimental du premier film de Jean-François Bizot, entre Bali et Ceylan, La Route. Un film fait d'improvisation qui raconte le dépaysement, la musique, la drogue et les rencontres de hasard. Mais aussi les errances, les impasses et les hippies en perdition. Un film où les acteurs sont les rédacteurs de journal. Un film où tout le monde s'est bien amusé, à bord du car loué pour l'occasion. Actuel, où les mille et une bonnes raisons de voyager. Il y a plusieurs motifs de voyage. Alain Distel. Il y a un motif intellectuel, qui est, beaucoup de gens ont lu Kerouac sur la route. Ils ont lu Victor Segalen, ils ont lu un certain nombre d'écrivains voyageurs. Et ça fait partie des choses qui se font à l'époque. On voyageait à l'époque non pas pour fuir quelque chose, mais pour se trouver. Pour vivre une aventure aussi, il y avait ce sens qui est lié, je crois, à la Beat Generation. C'est un des thèmes d'ailleurs fondamentaux de la Beat Generation, c'est l'expérience, c'est vivre quelque chose. Dans les années 60, il y avait aussi le voyage qui était lié aussi, peut-être à une sexualité plus ouverte, plus libre du fait que la contraception étant extrêmement difficile en France, souvent interdite, c'était pas le cas en Angleterre, c'était pas le cas aux États-Unis, donc ça aussi pouvait inciter au voyage. Et puis effectivement les psychotropes, mais c'est pas un but en soi. On ne va pas au Maroc pour fumer, on partait pas en Afghanistan pour acheter de l'Afghan noir, on partait pas au Népal pour fumer des Népalais. Mais il y en avait sur place, et bon voilà, en France vous buvez du vin, là-bas vous fumez, c'est tout. Les bons pays à dope. Afrique. Kenya. Nairobi, la capitale, a ses hôtels pour routards, et la savane à grasse est justement réputée. Les meilleures variétés poussent près du lac Victoria, autour de Kisuma. Dans la région de Mombasa, on fabrique à la tonne le kat ou mira, cette herbe qui rappelle la coca des Indiens américains. Tanzanie. Toujours autour du lac Victoria, la même herbe vendue par les marchands asiatiques. Grande abondance de médicaments en tout genre dans les pharmacies. Zaïre. Les pygmées vivent dans la forêt Ituri et hurlent de rire toute la journée en fumant leur bangui, une herbe noire, forte comme du LSD. Ils en échangent contre des bricoles. Pas de verroterie, mais les t-shirts à l'effigie de Bruce Lee leur plaisent beaucoup. Oui, voilà, ça c'était... Asie, Népal. Le hash n'est plus en vente libre à Katmandou. Léon Mercadet. Mais reste abondant dans l'arrière-salle des restaurants. Bah oui, parce qu'on savait que des mecs partaient au Népal en croyant qu'on, dès la frontière, c'était en vente libre. Et non, attends, mec, tu rêves. C'est pas en vente libre non plus. Inde. Le meilleur hash est au Cachemire, à Malayi, à Manali, dans l'Himalaya. L'herbe pousse à l'état sauvage sur les plantes. Ben oui, parce que on commençait à avoir des récits de types qui avaient été à Bombay, qui avaient fumé du pneu quand même. Bon. Donc, Pérou. C'est le bon endroit pour apprendre à mâcher les feuilles de coca. Oui, mais c'est pas de la coke, mâcher les feuilles de coca. Je l'ai fait, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même le capitaine Haddock le fait dans la version non expurgée du Temple du Soleil, tu sais, à un moment, il mâche des feuilles de coca parce qu'il a le mal des montagnes. Et donc l'Indien, Zorino, le petit Indien, lui dit, mais mâche ça, c'est ce que font tous les Indiens. Et le capitaine Haddock en mâche, et du coup, il reprend la pêche. Et Costa Rica. En mai, à la saison des pluies, les champignons pullulent sur la côte autour de San José. Pareil. Si tu pars Costa Rica, c'est dit, hein, du côté de San José. Si tu es vers San José au mois de mai, il y a les champignons. Drogue, c'est péjoratif parce que ça renvoie à l'idée de s'abrutir ou de devenir fou. Mais nous, on le prenait dans le sens branchons-nous sur nos racines, sur les traditions de nos ancêtres paysans au Moyen-Âge, qui consommaient de ça, évidemment. Aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge, nous, mais il y a des pays qui sont encore au Moyen-Âge. Et c'est quoi ? Ça permet de rentrer en contact avec les esprits et les divinités et l'esprit de la nature. C'est une expérience mystique. On ne prenait pas dans un but d'autodestruction, mais le monde est plus que ce que tu crois, le réel est plus que ce que tu crois. Il existe un réel caché, ce que disent les poètes, c'est ça qu'ils disent les poètes, il existe un réel caché. Les champignons, c'est-à-dire la psilocybine, sont une façon comme une autre de le découvrir. Mais ça peut être aussi par la méditation, hein, sans rien. Ça peut être par le jeûne, ça peut être par 8 jours sans manger. Tu découvres le réel caché aussi. Hein. Open au sasami. Frédéric Joigneau. C'était pas uniquement on part pour se défoncer, hein, non, c'était on part pour découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Il y avait surtout l'idée de découvrir d'autres cultures, quoi, quand même. Hein, c'était d'autres manières de vivre. Parce qu'on était complètement épatés par le fait, par exemple, que dans les pays pauvres, les gens avaient l'air beaucoup plus joyeux. Bon, ils avaient l'air beaucoup plus. On avait l'impression qu'il y avait plus d'énergie, plus de joie de vivre, etc. Dans des gens en Afrique ou dans d'autres pays où finalement ils vivaient complètement différemment de nous, surtout sous d'autres latitudes où le rapport au travail était différent, le rapport au temps était différent. On avait l'impression qu'il y avait une autre manière de vivre, qu'il y avait justement une autre manière du rapport à sa propre vie ou à son travail, plus artisanal, etc. Qui était déployé parce que c'était pas encore entièrement industrialisé. Et donc on avait l'impression qu'ils étaient plus près de la vraie vie. Donc c'est ça qu'on cherchait au fond. Comme il y avait eu l'échec colonialiste, hein, c'est le colonialiste, c'était on arrive, on vous prend tout, on arrive, on occupe votre pays, votre culture, bon, bah voir, puis on vous prend vos richesses, quoi. Et ça, pareil, on avait eu les retours de la guerre d'Algérie, etc. On savait tout ça. Bon, et il y a eu le film Avoir 20 ans dans les Aurès, tout ça. Il y avait la guerre du Vietnam, etc. Et donc nous, on se disait non, c'est pas possible. Nous, on va pas aller voyager comme ça. Donc l'idée, c'était on va voyager autrement en regardant, en écoutant, en découvrant la culture de ces gens qu'on a exploité, etc. On va essayer de comprendre quoi, comment ça se passe. Donc il y a eu tout ce mouvement, la route. Bon, on se barrait. Moi, j'étais en stop. J'ai fait tout le tour. J'ai fait tout le tour de. J'étais en Turquie encore après, etc. Bon. J'ai découvert tous ces pays, quoi. Bon, en plus, comme il y avait tout un mouvement de mecs qui voyageaient, on se retrouvait. Jean-Paul Ribes. Quand j'étais gamin, le reste du monde n'existait pas, sauf les papiers d'argent à chocolat qu'on donnait pour les petits Chinois, ou la carte avec l'Empire français et les expositions coloniales. Mais le monde dans sa diversité n'existait pas. D'ailleurs, je bizarrement, paradoxe, j'avais envie d'être administrateur des colonies, moi. Non, et pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que c'était qu'il y avait quelque chose, que ailleurs existait, si vous voulez. Et j'avais envie d'aller voir cet ailleurs. Je pense que ma génération partageait ce besoin d'ailleurs, et d'un ailleurs ludique, enfin d'un ailleurs qui soit pas un ailleurs militaire, puisqu'on nous proposait de partir ailleurs, mais dans l'armée, ni un ailleurs conquérant, ni un ailleurs forcément de business, mais qui soit un ailleurs tranquille, voilà, aller se perdre ailleurs. Avoir envie de voyager. Parce qu'en Inde, ma chère, on vivait comme des princes avec 200 balles. Et ça, on ne l'a pas dit. Les hippies vivaient comme des princes. On vivait dans des palais en Inde. Jean Rousseau. Et oui. Avec une pipe d'opium là, du riz au curry là, un coucher de soleil sublime et une plage sublime. Les gens allaient à Goa parce qu'à Goa, vous viviez comme un prince avec rien. Ce qui a changé. Donc la quête orientaliste existait, mais ce qui a retenu les hippies, et particulièrement, on va dire, en Thaïlande, parce que c'était beaucoup plus dur en Afghanistan, Pakistan, et c'était beaucoup plus dur après en Indonésie, où ils voulaient nous flinguer. Donc en fait, les hippies en avaient marre du dénuement, et c'est parce que là-bas, ils trouvaient cette vie paradisiaque. Ils allaient après à Ibiza, parce qu'à Ibiza, la vie ne valait rien, et les beautiful people, ce que vivaient... Imaginez un hiver français en 69, c'est la misère si vous habitez dans la campagne. Tout d'un coup, vous partez à Ibiza. Vous avez du soleil, il fait beau, c'est magnifique. Vous avez qu'à écouter un peu de musique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous vivez comme un prince. Je dis un tableau dur, là. C'est pas qu'on pense qu'à l'argent, mais il y a des choses qui vous sont données, vous le savez bien. Si vous allez sur un plateau magnifique français, vous avez une belle vue. C'est gratuit, que je sache. Donc, les hippies disent, mais si on renoue avec une vie simple et quelques voyages, parce qu'il fallait du courage d'aller pour aller en Inde, il n'y avait pas d'avion qui allait, vous arriviez, il n'y avait personne pour vous accueillir, vous habitiez dans des endroits invraisemblables, et si vous n'avez pas peur d'habiter une hutte, un temple, une petite maison, un petit hôtel, etc. en Inde, tout d'un coup vous découvrez un monde sublime, quelqu'un vous dit, mais tu sais, il faut aller là, ah oui, il y a une colline, et là il y a une plage, et là, les hippies ont été des explorateurs d'endroits beaux. Jean-Pierre Lantin. Moi, j'ai été en Inde à cause d'Actuel, parce que Actuel m'a envoyé suivre les routards en Inde. Et donc, je me suis retrouvé à Bombay, à Goa, à Kaboul, etc. Donc, ça aussi, c'est... Mais j'ai pas été moi-même, de mon propre chef, faire la route avec un sac à dos, etc. Mais je les ai vus, les routards. Et j'ai discuté avec eux et tout. C'était assez passionnant de pouvoir faire du journalisme comme ça. Et il y avait aussi implicitement, bien qu'en France le mysticisme était pas très développé, mais enfin il y avait quand même la quête un peu d'une spiritualité. Et c'est vrai qu'on est allé la chercher en Inde parce que ça s'est coagulé en Inde à l'époque. Effectivement, un grand nombre d'Occidentaux sont venus en Inde. Certains gourous indiens en ont un peu profité. C'est-à-dire, il y a eu un côté un peu mercantile du mouvement gourou. Et puis il y a eu des grosses sectes peu à peu qui se sont fondées, des gros ashrams, mais un peu mi-touristiques, mi-spirituels. Quoi. Bon, voilà, c'est la vie. Les gens qui nous écrivaient, les petites villes de province, elle me dit là, tout le monde dort, tout le monde est complètement... Enfin, bref, c'était comment les mille manières d'en sortir, enfin, bref. Mars 1970. Transports aériens toujours, mais dans un autre domaine cette fois, avec une enquête éclair du service des reportages de France Inter. Une question, savez-vous réellement voyager ? Souvent on se dit, l'avion c'est pratique, mais c'est trop cher. Mais en êtes-vous sûr ? Et d'abord, combien coûte à votre avis un aller-retour Paris-New York ? À Paris-New York, oh, alors ça doit coûter dans les 150 000 francs. 500 000 francs ? Je crois que c'est 800 quelques mille francs. Bien au moins 190 000 à 200. 20 000 francs ? Manifestement, les Français ne savent pas, ne sont pas très bien informés des prix des voyages aériens. Pour leur information, disons que l'aller et retour Paris-New York, en classe touriste, vaut actuellement 2580 francs. C'est trop cher, diront les jeunes, les étudiants en particulier, mais savent-ils que des voyages à prix très réduits leur sont proposés ? Interservice Jeune l'a vérifié en se renseignant par téléphone auprès de plusieurs organisations de voyage. Eh bien, je voudrais partir aux USA cet été. Je suis étudiante, j'ai 19 ans. Je voudrais savoir à quel prix cela peut me revenir, aller et retour. Environ 900 francs. Je voudrais me rendre au Danemark. Combien cela va me revenir de Paris à Paris ? Oui, alors par avion, Paris-Copenhague, aller-retour est à 262 francs, uniquement étudiants et enseignants. J'aimerais connaître les conditions de prix les plus intéressantes possibles par avion, c'est-à-dire vraisemblablement par charter à destination de Beyrouth. L'aller-retour coûte 802 francs. Et finalement, Actuel avait aussi comme rôle justement de donner, il y avait des plans de voyage, les plans des lieux de rendez-vous, des moyens. Finalement, c'était aussi une agence de voyage Actuel. On a fait plusieurs numéros sur la route où on expliquait les bons plans pour aller. Léon Mercadet. À Ceylan avec Underguide de Ceylan. Encore une fois, il n'y a pas internet, hein. Donc Underguide de Ceylan. Si tu arrives à Ceylan, à Colombo, va dans ce boui-boui là, du côté de Batticaloa, va voir derrière le temple, il y a un go. Voilà, débrouille-toi. Oui, on faisait des Underguides, donc on en a fait évidemment sur l'Orient, après sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, sur les États-Unis. On se disait parfois, mais attends, il y a un vrai bon plan à Bénarès, on le donne ou on ne le donne pas ? Parce qu'à partir du moment où tu le donnes, tu le fusilles aussi. Et est-ce qu'à l'époque, déjà, vous rameniez des reportages pour Actuel de l'étranger ? Parce qu'il y en aura beaucoup dans le deuxième Actuel. Et dans le premier Actuel, il y a surtout des plans de voyage. Mais est-ce que quand vous reveniez de voyage, les uns les autres, vous faisiez un article, vous racontiez dans des papiers un peu ce que vous aviez vécu ? Jean-François a fait ça 50 fois sur les États-Unis, évidemment. Bah, alors lui, il voyageait plus parce que lui, il avait de l'argent. Donc, lui, il pouvait, hein, mais nous, avec notre petit salaire d'actuel, bah, nous, on n'avait pas trop d'argent, mais... Il y avait un autre truc, c'est-à-dire que venait nous voir au bureau à Paris des types qui revenaient d'Inde, par exemple, ou du Mali, et je me disais, ouais, voilà, il nous racontait un peu son histoire. On disait, tu nous la racontes en entier? Et c'était le routard lui-même qui faisait à la première personne le récit de son voyage. C'est-à-dire, c'était pas des journalistes professionnels, c'était... Il y en a plusieurs dans le vieil actuel, des récits de voyages qui sont pas des récits de journalistes, mais des récits de routards qui venaient nous les raconter. Voilà, c'était quasiment encore plus authentique. Plaza, un palace sur quatre roues, camping-car, Volkswagen, complètement équipé. Pas du tape à l'œil, du solide. Spécialité pour région désert. Téléphoner après-midi, soir, Valentin. Prix intéressant. Actuel, bien sûr qu'on parlait de la route, c'était un des cinq mythes, quoi. C'est sexe, drogue, rock'n'roll, communauté, route en Inde. Patrice Van Hersel. Et voilà, anti-psychiatrie. École parallèle, écologie. Mais en réalité, de ce point de vue, je veux dire que mes petits camarades trichaient un peu à l'époque. Bon, ils ont voyagé en avion, quand même beaucoup. Alors que moi, par un autre biais, je connaissais des routards, vraiment. Je suis, par exemple, marié avec quelqu'un qui a été une routarde, mais vraiment qui a été en Inde à pied. À pied, c'est-à-dire on stoppe, on prend un bus, on traverse la Turquie, l'Iran, etc. Ça, à ma connaissance, à l'époque, aucun journaliste d'actuel ne l'a fait. J'ai vu la fin d'Actuel, le journal multicolore que j'avais vu naître. J'ai vécu la fin des utopies et j'ai connu l'échec de la contre-culture. J'ai habité avec tous mes amis qui sont aussi mes collègues et qui sont devenus ma famille dans un grand hôtel particulier, retapé par mon meilleur copain qui est aussi mon patron. J'ai eu envie d'aller voir ailleurs et je me suis mise à voyager. Je suis devenue grand reporter et j'ai décidé de faire un journal qui va se vendre et bien marcher. J'ai grandi, j'ai mûri, je suis branchée, j'ai réussi, j'essaye d'assumer. Entre 1978 et 1994 paraissent les deux almanachs, devenus légendaires, qui vont précéder la renaissance d'Actuel, et avec eux une nouvelle façon de titrer les articles qui va marquer toute une génération. Ce sera alors la chasse aux scoops, le temps des reportages en immersion à la première personne, le montage de gros coups, comme pendant la guerre en Afghanistan ou au moment du soulèvement des étudiants de Tiananmen, mais aussi le règne de la mode, du design et des branchés. Les années 80 sont arrivées, la New Wave peut commencer, c'est nouveau et c'est intéressant, et c'est Actuel qui vous le dit. Et vous avez surtout une génération baby boom qui a 30 ans, ça y est. Jean Rouzeau. 60, 70, 80, 78, appelez ça comme vous voulez, peu importe. À 30 ans, fini les révoltes, fini le côté non, on veut pas contre culture, c'était ça. Avant, c'était dire non à cette société. Je dis toujours non, car elle a prouvé qu'elle était dans l'erreur et qu'on avait raison. Mais il faut faire quelque chose dans sa vie. À 30 ans, ne pas dire non à papa tout le temps. Non, j'aime pas ton journal, non, j'aime pas ta télé, non, j'aime pas ton cinéma, j'aime pas tes fringues, j'aime pas tes villes. Ça, on l'a dit. Il faut faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, il y a une génération qui est chargée à bloc de magazines, de photos, de dessins, de littérature. C'est une génération très cultivée, la génération du baby boom. Parce qu'elle a la culture classique, on a lu Stendhal, on a lu Balzac. Mais on a lu Boris Vian, Philippe Kadic, des gens, d'autres choses, Bukowski ou John Fante, vous comprenez ce que je veux dire? On a une culture énorme. Il faut bien que ça sorte. Et commence à naître des magazines parce que les magazines traditionnels, y compris français, ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut créer des magazines. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu vers la fin des années 70 qu'on vivait dans de l'idéologie. Quelle idéologie ? Ben, l'utopie. Hein ? L'utopie que le rock allait changer le monde, les communautés allaient changer le monde, le free sex, la liberté sexuelle allait changer le monde. Et puis, après plusieurs années de ce genre d'expérimentation, eh ben non, le monde ne change pas tant que ça. Et on s'est dit, mais attends, mais on vit dans des bulles. Et on a embarqué nos lecteurs dans des bulles utopiques. Ce qu'il faut faire, c'est aller à la rencontre de Monsieur Réel. Concept inventé par Bizot et qui est dans Monsieur Réel, c'est dans l'édito d'un des almanachs, du deuxième almanach, celui des années 80. Allons à la rencontre de Monsieur Réel. C'est-à-dire, ok, oublions nos idéologies gauchistes, y compris underground, hippies, sortons de nos idées, allons découvrir le vrai monde, Monsieur Réel. L'Afrique, c'est pas seulement des belles savanes, des girafes et des jolies musiques, il y a aussi des rapports de force. Monsieur Réel, c'est, et on envoie Patrice Van Hersel faire les pirates du port de Lagos. Les pirates de Lagos, ça, c'est Monsieur Réel. Léon, bon, toi, planer sur les Japonais, c'est une bonne chose, mais tu sais qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a un truc dans des labos, ils sont en train d'inventer le génie génétique, manipuler les bactéries, séquencer le génome des. C'est ça. Le réel de demain. On a intuité qu'on était, à partir de 80, en train de passer au 21e siècle et que ce qu'on appelait la science-fiction était en train de se réaliser et qu'il fallait aller le voir vite si on voulait pas mourir idiot. Et c'est ce qu'on a fait. Tout ça est un enchaînement. Michel-Antoine Burnier. Donc en 77, fin 77, on sort le premier almanach qui n'est pas encore très loin de l'ancien actuel, mais qui a déjà pris ses distances, qui est beaucoup plus encyclopédique, puis qui a une tête d'almanach. Hein? Le voilà. Bon, le voilà. Donc, c'est un almanach, c'est classé par saison, etc. Et on traite, il y a des sujets historiques, il y a des sujets plus underground, il y a du punk, c'est la première apparition du punk, il y a des tas de trucs, et puis on commence à voir des photos. Et donc, il me dit, oh, non, mais attends, c'est pas compliqué, il y en a plein qui ont envie de voyager. Toi, tu restes sur tes trucs de télé, tes romans historiques, ce que tu veux. Simplement, je te demande de faire le rédacteur en chef à la fin. On prend 10 bons hommes, on les envoie dans 10 coins du monde différents. Ça fait 10 grands reportages, on met la ficelle autour, ça fait un almanach. Je dis d'accord, Coco, mais tu sais, je vais pas m'occuper des masses. Commence à rentrer les types, et là, tout d'un coup, je comprends. C'est-à-dire, je comprends deux choses. D'une part, c'est que le monde a complètement changé pendant que nous nous occupions de l'underground, de Pompidou, de ceci, de cela, de la fin du gauchisme, de n'importe quoi, le monde s'est totalement transformé et on l'a à peine vu. Hein. Donc problème. Et par exemple, si vous voulez, moi j'ai appris en 61 ou 62 à Sciences Po, Lagos, 500 000 habitants, capitale du Nigeria. Et quand Patrice Van Hersel part à Lagos, c'est 2,5 millions d'habitants, les autoroutes suspendues au-dessus de la ville, le pétrole, les pirates qu'on fusille sur des bidons dans le port, la piraterie à 300 mètres des côtes et une atmosphère extraordinaire. Et il va coucher dans un bordel pour pas être dans les grands hôtels. Tout d'un coup, et ça nous arrive de partout, tant dans les découvertes scientifiques que dans les changements de l'Union soviétique. C'est plus le même monde et il faut en parler. Donc se poser toute une série d'autres questions que jusque-là on ne se posait pas, qui étaient notamment les questions comment on va faire pour que ça marche, le financement, trouver de l'argent. Frédéric Joigneau. Les faire vivre, etc. Bon. Et on voit bien, c'est ce qui s'est passé, disons, fin 70 au début des années 80, c'est qu'il y a eu l'arrivée du punk qui a dit, mais ça ne marche pas. Comme le punk, finalement, très vite, a tourné à quelque chose de qui était une révolte vraiment. Je dirais nihiliste, oui, on peut dire. C'est-à-dire, non, on se heurte au bloc de la société, quoi, et ça passe pas. Donc après, il y a eu l'idée de dire, on va trouver des nouvelles formes, Et on va y aller, quoi, on va le faire. Et disons que c'est ça, et c'est comme ça qu'il y a eu toutes ces choses qui se sont passées, genre actuelles, mais je sais pas, par exemple, c'est la même époque où il y a eu, dans la mode, il y a eu toute l'histoire Gautier, machin, toute cette génération de créateurs qui venaient de ces mouvements-là, parce que tous ces gens-là venaient de ces mouvements, qui ont commencé à dire, on va lancer des nouvelles modes, etc., etc. Il y a eu tout ce mouvement New Wave, ce qu'on appelait la New Wave, c'est-à-dire de dire, maintenant, non, on va plus travailler sur l'esthétique, on va plus travailler sur le style. Donc, il y a eu une volonté, disons, de dire, on va se faire entendre de la société. Voilà, c'était ça, c'était nouveau et intéressant. Qu'est-ce que c'est que la toute fin des années 70? C'est une période où le roman n'est plus du roman, c'est du nouveau roman, c'est illisible, ça raconte plus d'histoire. Paris Match est devenu un journal de texte. Les articles de l'Express dépassent pas le feuillet. Les films sont des films imbitables qui vous racontent des histoires comme celles du nouveau roman. On comprend rien. La photographie est purement artistique. C'est du genre goutte d'eau dans les poils pubiens au bord de la mer. Tout ça a perdu tout sens. Et par une espèce de poussée étrange, à la fin des années 70, revient un cinéma qui raconte des histoires. Reviennent des journaux avec des photos, tout d'un coup, le récit revient. Jean-François avait, en travaillant à Libération, en traduisant Bukowski avec Léon Mercadet et tout ça, découvert ce mouvement. Patrick Rambaud et moi, on a écrit deux romans historiques à l'époque. Hein. Et dans le roman historique, on avait relu le roman du 19e siècle, donc le grand récit. Dumas, Hugo, Balzac, etc. Surtout Dumas. Donc on avait appris, Patrick Rambaud et moi, à faire des portraits, à faire des dialogues, à raconter une aventure de la façon la plus dynamique qu'on pouvait le faire. Et tout d'un coup, on s'est dit, la photographie, c'est aussi important que le texte. Donc, c'est à peu près 50% de l'espace et c'est 50% de nos soucis et de nos investissements et de tout ce qu'on veut, donc on plaisante pas avec ça. Et quand on est sorti là, au début, on était les seuls. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait relu Albert Londres, on avait relu Kessel, on avait refeuilleté les vieux matchs d'avant-guerre des années 38 qui sont un pur chef-d'œuvre, les matchs des années 50 qui sont impressionnants, on avait pris Life, les grands lives des années 50. Donc on s'était nourri de tout un journalisme, du grand reportage et du récit. Puis il y avait tous les exemples américains, parce que Rolling Stone s'était lancé là-dedans, et que ça commençait à se savoir en France, mais il n'y avait pas l'équivalent. Et donc on est parti un peu seul, mais dans un air du temps qui nous a terriblement portés, et ce qui a expliqué le succès du second actuel. Alors, comme on était dans un désastre sentimental universel, toute la bande d'actuel, il n'y en avait pas un dont les affaires marchaient. Il y avait celui qui venait de se faire quitter, il y avait le mec qui était avec une fille très jolie et totalement insupportable, il y avait celui qui était avec une belle suicidaire qui voulait se jeter par la fenêtre tous les matins, moi, ma petite copine m'avait quitté à la veille d'un dîner, enfin pas la veille, une demi-heure avant un dîner, en me laissant comme ça sans m'avoir prévenu, enfin bref, on pleurait beaucoup, et il m'a dit, mais tu sais pourquoi nos histoires sentimentales ne marchent pas, puisqu'il n'y avait pas d'exception. Ah, j'ai dit, ben non, j'en sais rien. Il me dit, mon vieux, c'est parce que nous sommes trop disponibles. Et il faut cesser d'être disponible, et c'est comme ça que ça marchera. Sur quoi il n'y avait pas tort, la suite l'a prouvé. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a eu. Ce deuxième actuel, Jean Rousseau, finalement, l'idée de base, c'est justement de voyager, mais de voyager aussi bien en France qu'à l'étranger, qu'en banlieue, c'est-à-dire de raconter comment on vit, de raconter le quotidien, de raconter ce qu'on voit et ce qui se passe. Oui, avec une différence, c'est que l'ensemble des journalistes d'actuel veulent aller loin, en Chine, enfin vous voyez, chacun ses spécialités, Elisabeth D parlait russe, elle allait à l'Est, vous comprenez, d'autres voulaient aller en Amérique, d'autres en Amérique du Sud, et que moi je disais, mais non, l'aventure n'est pas que chez Alors évidemment, Jean-François cherchait la modernité là-dedans. Il voulait trouver un Chinois qui fait du business. Vous voyez, il cherchait le paradoxe. Moi, je disais, ça ne suffit pas. Et de toute façon, moi, je leur disais, alors au début, ça faisait scandale aussi actuellement. Je disais, mais c'est quoi ce mec? Je disais, mais l'aventure, elle est là. Je disais, bon, vous savez, on parlera encore de Jean-Paul Gaultier ou de Ettore Sottsass ou de Philippe Starck quand on parlera plus de votre Chinois. Même si vous avez raison de montrer ça. Et du coup, Jean-François comme Julie me protège du reste de la rédaction, il dit mais oui, Jean va nous montrer, enfin il me laisse montrer des aventures, ce qu'on appelait les aventures modernes, qui pour moi peuvent se passer au coin de la rue. Aucun besoin de voyager. De la Terre à la Lune en une seconde. Une ténébreuse affaire d'héritage. Les 600 dernières chances des Halles. Staline est vivant. À l'époque, il faut voir, il y avait ce qu'on appelle le nouveau journalisme américain. Donc c'était tout le courant Rolling Stone, c'est-à-dire des types qui racontaient, qui étaient prêts à aller très loin pour raconter, pour pénétrer un milieu, etc. Et qui en même temps donnaient à voir, à entendre, en restant au plus près des événements ou des gens ou des personnages, ils donnaient des bouts de dialogue vrais. Ils essayaient de rentrer dans la tête des gens. Ils essayaient de décrire quand même. Donc il y avait une part de rechercher, d'aller au plus près de l'événement et des personnages. Bon, ça c'était le nouveau journalisme américain. Il y avait aussi le côté on y va, on va voir, on reste, on s'intègre, on s'infiltre, quitte. Genre par exemple la fameuse histoire d'Hunter Thompson qui se shoote de l'alcool directement dans l'estomac pour pouvoir être accepté par les Hells Angels, pouvoir faire un tour d'Amérique avec eux. Bon, il devient un Hells Angels quelque part. Donc il va très loin, c'est pas simplement un article extérieur qui raconte de loin, qui dit ben j'ai vu les Hells Angels, ils font ci, ils font ça. Non, lui il en devient un. Bon, et on pensait aussi que le fait de donner un point de vue subjectif d'une certaine façon c'était plus juste que de donner un point de vue faussement objectif, parce que au moins on donnait des bribes. Bon, le journaliste ne veut jamais la vérité absolue, on est toujours dans la véracité, etc. Donc on donnait des éléments d'enquête, des éléments de dialogue, des éléments des détails, des gens qu'on voyait, la manière dont il s'habillait, la manière dont il fumait sa clope, la manière dont il regardait les nanas, etc. On avait l'impression qu'en donnant ce genre de détails, on donnait des éléments plus intéressants, plus riches, quoi, puisqu'on était à proximité. Il y avait ce côté aussi d'aller voir, de pouvoir se faire passer pour quelqu'un. Par exemple, Bizot se faisait facilement passer pour quelqu'un. Par exemple, je l'ai vu, on avait été une fois à New York ensemble. On faisait tout un reportage sur la musique latino. C'était totalement inconnu, la musique latino, à l'époque en France. Bon, ben, on pensait que la musique latino, c'était super, c'était riche, ça apportait plein de trucs. Donc, on voulait y aller, quoi. Bon, ben, lui, il s'était fait passer pour un producteur de musique, mais il en était un peu aussi, quoi. Juste pourquoi? Pour pouvoir approcher au plus près que les musiciens, les mecs, ils vont, donc, on va voir les musiciens, comment ils réagissent par rapport à un producteur. Là, on a des éléments de réalité. Bon, toujours pareil, cette idée d'aller découvrir les autres cultures. Mode, moderne, postmoderne. Errol Flynn aime Edith Piaf. Allô, ici les années 50, ne coupez pas. CGT, l'homme invisible ramène sa fraise. Aujourd'hui on peut dire ça, c'est que c'était peut-être la télé avant la télé. Bernard Zécrit. Les radios libres avant les radios libres. Bon, alors donc c'était une grande liberté et qui s'intéressait aux gens et aux idées qui pourraient éventuellement changer le monde. Et là-dedans résident les qualités et les défauts d'Actuel. C'est-à-dire que très souvent, il a trouvé ce qui allait fonctionner, il a découvert ça un peu avant les autres. Et ça donnait de temps en temps un ton un peu péremptoire, le côté des certitudes, des gens qui ont trouvé un peu avant les autres. Quelquefois, on s'est trompé aussi. Et ça se paye assez cher quand on se trompe. Ça entame un peu le crédit. Le premier papier sur tapis, il est dans Actuel. On l'a oublié, ça. Mais le premier canard qui s'intéresse à tapis, c'est Actuel. Et bon, tapis, c'est un personnage fort des années 80, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. On peut, voilà, je sais pas. Je veux dire, on le revendique pas aujourd'hui. Mais c'est un fait. Son coup de fric, ça s'appelait. C'est Patrice Van Herzel qui avait fait le papier, je crois. Ceausescu premier, roi communiste. Alberto Pinto et les palais du jet-set. Le désarroi des nuits new-yorkaises. Et vous vous souvenez, Michel-Antoine Burnier, de quelques-uns de ces grands reportages, de ces reportages à l'étranger qui ont fait un peu la gloire de cet Actuel ? Le premier, c'était le dictateur de Guinée équatoriale. C'était la couverture du premier numéro. Qui avait foutu le camp. Il y avait eu un putsch et le type avait foutu le camp dans la brousse. Et il allait de palais en palais parce qu'il en avait partout. Et ces palais étaient de plus en plus petits et pillés. Et Patrice Van Herzel, qui avait fait le reportage, le suivait à la trace le dictateur en fuite. Il est arrivé au dernier palais, où il a encore trouvé des télégrammes appelant l'armée à intervenir. Il a trouvé une fourchette gravée à son nom, un portrait avec le visage crevé. Donc on a fait la photo où c'est Patrice qui passe sa tête dans le trou du portrait. Et une boîte de préservatifs chinois qui ne préservait de rien du tout, car nous avons vu que le malheureux avait été fort atteint après en avoir fait usage. Un zombie, j'ai assisté à ma propre mort. Est-ce que vous avez pensé à un truc récemment ? Moi, par exemple, à un moment, j'ai fait un papier sur une cité. J'ai été habité pendant un mois à Meaux, à la Pierre Collinet. Donc, c'est une cité assez dure. Enfin, bon, peut-être pas rien de comparable à ce qui se passe aujourd'hui, mais enfin, c'était déjà pas mal. Les mecs balançaient des frigos par-dessus les balcons. Et tout ça. Il y avait des trucs comme ça qui arrivaient. C'était assez dur, personne n'y allait. Enfin, c'était vraiment. D'ailleurs, c'est une cité qui a été rasée aujourd'hui. Et donc moi, je passe un mois là, donc je deviens copain avec tous les gens. Voilà, c'était aussi ça le talent des gens d'actuel. Et forcément, je rentre dans leur vie complètement. Je rentre dans les vies, quoi. Les histoires d'amour, les problèmes de famille. Voilà. Mais quelque part, moi, je suis journaliste. Hein. Et c'est un petit détail. C'est juste une petite histoire à quoi on fait pas attention. Donc il y avait un café dans cette cité. Et les gars qui tenaient le mur, comme on disait déjà à l'époque, ils appelaient ce café le café des chômeurs. Donc moi, je commence mon papier au café des chômeurs, voilà. Moi, quand j'écris ça, j'écris, enfin, j'ai pas l'impression de... Voilà, je ne fais qu'écrire ce que tout le monde raconte. Et puis tout le monde appelle ce café comme ça, le café des chômeurs. Et évidemment, ça a déclenché un tollé. Les gens m'ont accusé de les mépriser, etc. Parce que comment mais écoutez les mecs, vous l'appelez tous comme ça, le café des chômeurs. Ouais, c'est ça, c'est le mépris du journalisme par rapport à... Voilà. Alors, ce que Jean-François m'avait appris, c'est que chaque fois qu'on fait un papier, faut avoir le courage de retourner sur place. Ce que j'ai fait. Et rien que de faire ça, ça fait qu'on vous respecte quand même. Hein, de venir, bon, bah ok, d'accord. J'encaisse, je comprends la critique. Mais voilà, ce genre de phénomène, ça s'est probablement reproduit, c'est probablement arrivé à des tas de journalistes. Et donc au fil des ans, il y a quand même les pour et les contre. Enfin, il y a beaucoup d'inimitiés, des contentieux qui se sont peut-être accumulés. Et donc à la fin, le journal... Et puis, vous savez, le succès, quelquefois, ça crée... ça vous fait pas que des amis. Et puis peut-être il y a eu une certaine suffisance de notre part à un certain moment. Voilà. Thèmes favoris qui le sont encore quand on voit la revue Nouvelle Clique que vous animez aujourd'hui avec d'autres. Est-ce que ces thèmes étaient finalement le prolongement du premier actuel, c'est-à-dire une manière d'underground, de contre-culture, de s'intéresser à des choses un peu à la marge, d'être proche d'une certaine spiritualité? C'était quelque chose qui était en droite ligne avec le premier actuel finalement? Pour moi, oui. Pour moi, complètement. On était intéressé par les frontières, toutes les frontières. Alors elles peuvent être physiques. Patrice Van Hersel. Comme par exemple de descendre sous l'eau, de suivre de très loin. Jacques Mayol plongeant à 100 mètres à l'époque, c'est une frontière. Mais essayer de trouver le rapport entre conscience et neurones, c'est une autre frontière. Et évidemment, quand vous balisez les frontières, quand vous explorez les zones frontières, vous retrouvez avec des vrais avant-gardistes. Parce que ça peut être évidemment les frontières de l'art, où j'étais moins spécialiste et où Jean-François était formidable, les frontières de la peinture, les frontières de la musique, les frontières, etc. Vous vous retrouvez avec de l'avant-garde, vous vous retrouvez aussi avec des escrocs, des charlatans. Parce que si vous allez vraiment aux frontières, vous vous retrouvez dans une sorte de cours des miracles, où les lois ne sont... Enfin, c'est du Far West. La loi n'est pas encore vraiment établie. Est-ce que c'est complètement bidon ou est-ce que c'est génial ? Et New Age, au début, actuel, était très fier de le marquer, en gros, dans ses chroniques. C'est... Alors, aux États-Unis, c'est un mouvement qui s'est tellement vite pourri. Les mouvements se pourrissent pratiquement tous. Dans le cas du New Age, ça a été particulièrement rapide. On était tout un groupe qui aimions beaucoup ces thèmes-là. Léon Mercadet, Jean-Pierre Lantin, Jean-Paul Ribes, même un peu Patrick Rambeau, Elisabeth Day, Thomas Johnson. C'était des gens, c'est des gens d'ailleurs qui écrivent aujourd'hui dans la Nouvelle Clé. Donc, c'est vrai que à partir du moment où ça touchait la spiritualité, Jean-François avait des boutons, mais d'une manière très ambiguë. Parce que le premier qui m'a envoyé sur des reportages auxquels j'aurais jamais pensé, auprès de, je sais pas quoi, de catholiques, de rituels orthodoxes, de prêtres vaudous, et qui finalement s'avéraient des gens très intéressants, c'était Jean-François Bizot. Donc, il était ambivalent, et c'est ce qui est intéressant. Chaque journaliste qui avait ses centres d'intérêt... Celui qui faisait le New Age, celui qui faisait, enfin, qui voyait des complots partout, etc., etc. Enfin, chacun s'appuyait sur ses références, etc. Et à la fin, c'est peut-être devenu, ce qui est le comble pour un journal, assez hermétique. Trois raisons pourquoi Actuel est mort en 94. D'abord, la loi Evin. Ah, oui, interdiction de la pub sur la clope, etc. Je veux dire, c'était quand même l'essentiel de notre pub. Hein. La clope, l'alcool. Léon Mercadet. Ça a coûté 4 millions par an, Jean-François, la loi Evin. La loi Evin, Actuel, ouais. Ce qu'Actuel aussi, c'est l'érosion des ventes, puisque là, encore une fois, on se répétait. Hein. C'était un trip des années 80 qui survivait dans les années 90, voilà. Et puis le troisième truc, c'est que les gens n'avaient plus envie de le faire. Tu sais, on n'est pas des bureaucrates, hein. Ça fait 14 ans qu'on faisait un truc, ça va, quoi. Il y a autre chose dans la vie, hein, si on passait à autre chose. Il y a un moment, bon, il y a un environnement qui devient beaucoup plus compétitif, donc il y a d'autres journaux qui sortent. Avec des règles de précises, on met plutôt des je sais pas, il y avait Max à l'époque, même si c'est pas la même clientèle, mais bon, on met des nanas à poil sur la couverture, il y a l'arrivée des Inrocks, et puis il y a la télé aussi qui explose vraiment, la multiplication des chaînes, donc les idées qu'il y a dans l'actuel, bah, elles sont allègrement pillées, donc à la limite le journal devient ce petit temps d'avance qu'il a pu avoir, ça s'est répandu. La mise en image, c'est pareil, c'est plus si original que ça. Pour faire face un peu aux critiques, justement, sur le côté « je la ramène et je fais le malin », Jean-François essaye de donner un peu plus de fond, mais ça devient compliqué avec les jeunes lecteurs qui... voilà. La scène actuelle, c'était très très triste, hein. C'est très triste. Mais Jean-François était très secoué parce que pendant le dernier bouclage, il y a Guy Debord qui s'est suicidé. Et lui, il voyait comme un signe. Enfin, je sais pas. Et il a soutenu ce journal à bout de bras pendant des années. Donc voilà, c'est aussi souvent c'est des journalistes un peu vieillissants. Il faut dire les choses, hein, parce qu'au départ, c'est un journal qui demande un engagement complet, total. Ça n'a qu'un temps, en fait. Puis pour, de toute façon, trouver ses idées, etc., ça suppose quand même de traîner tout le temps. Et bon, ça, c'était sa vie, à lui, qui nous faisait partager. C'est-à-dire que c'était quand même, ça devient compliqué de faire actuel quand on rentre, quand on se met à avoir une vie normale, quoi. Donc, il y avait ce décalage-là avec l'équipe. Bon, moi, je pense que, enfin, probablement, il aurait fallu... c'est pas un hasard si Actuel a beaucoup nourri Canal+, hein. Voilà, tout est là. Donc, il y a ce virage-là qui n'est pas pris. alors que Bizot, c'est probablement le plus grand fournisseur de talents de Canal. Hein, je veux dire, même aujourd'hui encore, ils sont tous là. De Jamel à Édouard Baird, en passant par Lafesse, Vandel, Delépine, enfin tous ces gens sont au moins passés à Actuel. Édouard, Ariel Wiesmann, par exemple, qui avait de grandes qualités de journaliste, Christophe Tison, ça c'est de la dernière génération arrivée. C'est des gens qui sont à cheval entre la télé, le journalisme. Ils ont des exigences financières bien supérieures à ce que pouvaient avoir des Mercadet et des Van Hersel 15 ans plus tôt. Enfin, bien supérieures. C'est juste que ça a changé, quoi. Donc, tout le côté militant qu'il y a pu avoir à un moment dans ce journalisme-là, que ce soit Actuel, Libé, tout ça... Ça n'existe plus. C'est des gens qui... Voilà. Parce que c'est le monde qui a changé aussi. Hein. Donc ce dernier bouclage, c'était comme dans un film à un moment. Je me souviens, il y a une scène à 4h, 3h du matin. Jean-François est seul dans son bureau. Il y a une espèce de grand fauteuil. Il y a cette espèce de grand bonhomme. Il pleure. Et il est seul. Comme ça s'était déjà arrêté une fois, il y a cette idée que ça peut recommencer. Il reste maître du jeu, c'est-à-dire qu'il ne vend pas le titre, il n'est pas en cessation de paiement, c'est très propre, quoi. Il arrête, il paye tout le monde, il paye des indemnes et tout ça. Bon, c'est quand même assez, c'est un type, c'est quand même assez classe et il garde le titre. Ah ah. Voilà. Ah ah. Ah ah. Oh oh. Il avait inventé un truc qui était pas mal, c'était les vacances besogneuses. C'est-à-dire qu'il agitait un billet d'avion sous le nez d'un en disant « Tiens, mois de juillet, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas là !» Donc ça marchait très bien, tout le monde était très très content. Tu parles. J'arrive un matin au journal et il me dit « Qu'est-ce que tu fous demain ? T'as des trucs à faire ?»« Pas trop, non. T'as ton passeport sur toi ?» ouais. Bon, t'as 2 heures pour aller demander ton visa, on part à Trinidad. Et trouve-moi un photographe. Alors, il y a un pauvre photographe qui passait dans le coin, là, tu vois. Mario Pignata Monti. Et on est parti comme ça, au carnaval de Trinidad. Donc, on est allé à Trinidad. J'aimais bien voyager avec lui, parce que, comme il était très grand, et puis qu'il avait ses petites habitudes de confort, il disait « Ah, je peux pas voyager en touriste, là, je peux pas allonger mes jambes. » Donc, un peu mieux. Il aimait bien, il aimait pas les hôtels tout pourris non plus, tu vois, donc sans extravagance. Enfin, on était plutôt bien logés. Et alors, cette andouille ne réalise pas qu'à Trinidad, on conduit dans l'autre sens. C'est anglais. Eh ben, la gueule de location, bing! Il a, pareil, une bosse. Et là-dessus, il dit, oh putain, faut que je rentre. Vous restez 2-3 jours encore, le gars. Et je dis, mais, comment ça? Il y a une bosse sur la bagnole. Il me dit, penses-tu, ils se rendent pas compte à l'aéroport, tu arrives, tu jettes tes clés et tu prends l'avion, ma pauvre Claudine, est-ce que tu peux être parano quand même? Évidemment, j'arrive à l'aéroport. $600. Merci à Alain Dister, Michel-Antoine Burnier, Frédéric Joigneau, Jean-Pierre Lantin, Claudine Maugendre, Léon Mercadet, Jean-Paul Ribes, Jean Rouzeau, Patrice Van Hersel et Bernard Zécry. Archivina, Olivier Tosserie, mixage Claire Levasseur, une émission de Perrine Kervran réalisée par Pascal Rayet. Voyageurs, flâneuses, baroudeurs, aventurières, explorateurs ou touristes, LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter la veille du départ, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons faire un peu de sport. Mais en attendant, restez à l'écoute.